là-haut, par Colette. Comptent-ils donc, comme ils crient soudain? Ils crient joyeusement, ils agitent les mains, et comme ils renversent la tête. C'est au changement de leur attitude, puis en les voyant rapetisser, se tasser et fondre, que je m'aperçois que nous montons. Le Clément Bayard vient de quitter le sol. Nulle secousse, nul tressaillement ne m'en a averti. La graine de chardon mûr se détache ainsi du calice par une ascension insaisissable et devient flottante sans qu'on devine le moment où elle cesse d'être retenue. Ils fondent en dessous de nous. Leurs cris nous parviennent aigus, clairsemés. Tout à l'heure, c'était une foule pressée, encombrante, qui entravait la sortie du dirigeable. À présent, ils salissent la place d'une poignée de grenailles noires. C'est donc bien vrai, nous montons. Ce balcon de fer, ce wagon sans siège que je comparais dans le hangar à un tram d'été, ce plancher d'acier, cette passerelle toute de métal sonore et lourd, ces bagages entassés à l'extrémité fuselée de la nacelle, et le groupe d'officiers instructeurs et mes compagnons et moi, tout cela monte, sereinement, suspendu au ventre soyeux du dirigeable, au ballon jaune comme un poussin neuf. Je m'obstine à fixer d'un œil hébété la petite foule noire, juste au-dessous de nous. Je ne puis croire. Mais les pétarades des moteurs, jusque-là muets, le vent vivifiant des hélices, réveillent en moi la sensation rassurante du mouvement, de l'effort, du voyage. Et je me retourne avidement pour voir Paris venir à nous. Alors je cède brusquement à une allégresse totale, qui s'exprime en « oh » d'étonnement, en « ah » extasié. Allégresse assez incompréhensible, en somme. Le fait de voguer à 200 mètres au-dessus de Paris suffit-elle à l'expliquer? Allégresse, cependant, joie sans ombre, sans âge, joie stupide, de se pencher très fort sur la balustrade, pour constater avec éclat qu'il n'y a rien qui nous tient en dessous. Joie différente de celle que j'ai goûtée lors d'un court trajet sur biplan. Car le départ, actif, bruyant, intelligent, l'élan de l'aéroplane bannissent le trouble dont je sors, l'inquiétude où j'ai pu douter un moment, si je rêvais ou si miraculeusement je m'élevais vers le soleil comme une bulle. Paris se déroule sous nous. On l'a photographié si souvent, du haut du ciel, que je la reconnais aisément. Le réseau compliqué de ses voies, ses places en étoiles, son fleuve et ses îles forment un plan déjà familier. C'est à des détails de couleurs, de reliefs que je m'attache, à des toits bizarrement bleus ou d'un rouge furieux. Les miroirs d'eau des parcs publics étincellent et s'éteignent, un train s'incurve comme une chenille qu'on agace. C'est de la compacité de la ville que je m'amuse, et de la trouver presque petite et désordonnée. Sa confusion étouffante ne s'arrête, respectueuse, que pour laisser un peu d'air aux beaux édifices. Le Louvre et ses jardinettes reposent le regard, le dessin du Luxembourg se lit comme une claire image. Des verdures abondantes et jeunes, en charme irrégulière, font de chaque cimetière un attrayant enclos. Mais par quel puits misérable, forêt au plus épais des maisons modernes, descendent l'air chargé et l'avare-lumière? Que ne logis sans difforme et couleur de beurre sale auprès des édifices anciens, d'un gris délicat et éternel? Les vieux quartiers sont plus beaux, eux que le temps, la suie, la pierre effritée, la pluie charbonneuse ont couvert d'une cendre nuancée. Je me penche, avec le regret de les dépasser si vite, sur leur dernier jardin, séquestré au fond de noires bâtisses, insoupçonné des passants, languissant et paré comme de précieuses captives. Ne volais-je pas, les premières minutes, au-dessus d'un de ces parterres, celui où fleurit un acacia, près d'une tache allongée de gazon, celui où brillait un toit de vitre? Je ne sais, je n'y ai pas songé. L'idée que j'ai, là-bas, du côté où la Seine miroite et tourne, un abri où tient tout ce que j'aime, m'effleure un instant, mais sans chaleur et sans force. Mon plaisir, trop nouveau, trop vigoureux, oublie inhumainement ceux d'en bas. Ceux d'en bas, je les distingue encore. Ils sont noirs, agiles comme des insectes travailleurs, et parfois immobiles, soudains, par groupe. À leur arrêt, nous savons qu'ils nous contemplent. Notre prodigieux passage, qui fige les hommes, disperse les chiens. Noirs, jaunes, blancs, leur dos court de tous côtés et se cache. Mais c'est déjà fini, Paris. Tout petit Paris, traversé en quelques minutes. Nous montons, nous tournons. La queue effilée du dirigeable décrit sur l'horizon que la ville enfume un arc de cercle aisé, la campagne maraîchère. Verte, quadrillée, apparaît. Plate, florissante et peuplée, elle n'a guère d'autre beauté que sa richesse, cette fosse loqueteuse rapetassée de sang velours. Nos regards plongent dans les blés verticaux, dans les seigles légers, comme dans le poil profond d'une peluche ombrée. Ça et là, des villes à joujoux enferment leurs arpents de terre, d'arbres et de fleurs, dans une enceinte de murs neufs, et l'on songe aux limites puériles que les enfants dessinent, avec des graviers blancs ou des coquilles, autour d'un fort de sable. Tout devient sur la terre d'une précision extrême, et plus petit encore, et simplifié à mesure que nous montons davantage. Je m'écrie « Oh, regardez, ils ont peigné si finement ce champ !» Et pourquoi ont-ils dessiné là une route si capricieuse ? Ils. Depuis mon départ, je parle d'eux comme si je ne devais plus redescendre sur la terre. Il y a deux races, ceux d'en bas et nous. Nous, les passants du ciel. La nacelle emporte deux ou trois voyageurs qui, comme moi, ascensionnent pour la première fois. Je les vois, comme moi, curieux et détachés de ce qui se passe en bas, étrangers aussi à l'idée de la chute, du danger, même du vertige, adaptés du premier coup au miracle du vol. Nous inventons pour l'imposer à ceux d'en bas une architecture nouvelle, une coquetterie décorative qu'ils déploraient pour nous, rien que pour nous. Une sécurité exigeante émane de notre joie. Nous demandons au maître de ce beau navire des voyages sans fin, des nuits bercées, à 3000 pieds, des réveils dans les nuages, des crépuscules comme celui-ci, rouge et barré de noir, où demeure assez de soleil pour que s'y embrase la flèche d'un village, de 2, de 10 villages épars. La nuit vient, dit l'un de nous. Nous ne pensions pas à elle tant le couchant demeurait clair, éclaire encore le panorama de villages, de rivières vives, de routes bifurquées. Mais nous cheminons maintenant au-dessus d'une nappe sombre, une forêt d'un vert sourd qui absorbe la lumière faiblissante. C'est la forêt de Compiègne, jetée là comme le lait magnifique d'une étoffe crépelée. Le homme la ronge, hélas. On voit sur ses bords des dentelures de souris et des brèches profondes et des trous ronds qui montrent sa trame nue. La forêt de Compiègne, la fin du voyage. Je ne suis pas la seule, ni la première à soupirer. Quel dommage. On croirait, à la ferveur de nos regrets, qu'il s'agit non de descendre, mais de naufrager sur une côte ingrate. Avec une infaillibilité tranquille de pigeon qui rentre au nid, le ballon se dirige vers son hangar de fer bleuâtre, visible encore au milieu d'un champ. Les prairies, les haies de sureau grandissent, se soulèvent vers nous. Déjà des câbles tombent de la nacelle au milieu d'un groupe de soldats qui nous halent sans secousse. Nous sommes la proie des hommes sans ailes. Là-haut, dans le ciel de juin, pâle encore d'un si long jour, rien ne marque notre chemin d'air, notre voie invisible. Il fait nuit. Mes pieds baignent dans l'herbe fauchée qui se fane, toute froide de rosée. Un arbuste frôle ma main, comme s'il l'avait cherché. Un lourd insecte, attardé, vibre et se suspend à mes cheveux. Que le parfum des sureaux est fort ce soir, et celui des syringas, du foin nouveau et des menthes humides. La terre nocturne nous reprend et nous caresse dans l'ombre. Amie jalouse, un instant trahie, et qui reconquiert à force d'embaumer. C'était Là-haut, de Colette.